Le homepage internet russe irkutskblogspot.ru et celui du Brésil Marsha Birde ont exalté le dirigeant suprême Kim Jong-un. Ils y ont indiqué que le maréchal Kim Jong-un continue la cause des héros de la nation Kim Il-sung et Kim Jong-il et développe la Corée en pays prospère et puissance nucléaire de l'Orient. Ils ont déclaré qu'il est le grand homme sans précédent pour avoir produit d'étonnants événements avec le leadership et la résolution peu communs, l'audace et le sang-froid extraordinaires.